إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكن عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. D'après Abu Dhar al-Ghifari رضي الله تعالى عنه, des gens parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons et ils font l'aumône avec le surplus de leurs biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit alors, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? En vérité, chaque tasbih est une aumône. Chaque takbir est une aumône, chaque tahmid est une aumône, chaque tahlil est une aumône. Ordonner le bien est une aumône, interdire un mal est une aumône, et dans vos rapports intimes, il y a une aumône. Ils dirent alors, ô messager d'Allah, l'un d'entre nous est-il récompensé lorsqu'il a assouvi ses désirs? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous, s'il l'avait assouvi dans l'illicite, il aurait eu un péché. De la même manière, s'il l'assouvit dans le licite, il est récompensé, rapporté par Muslim. Ceci est donc le 25e hadith que l'on voit dans cet ouvrage. Abu Dhar, radiyallahu ta'ala anhu, nous rapporte ici que des gens parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont venus à lui. Et ces gens étaient les pauvres parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils sont venus au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit, les gens riches ont accaparé les récompenses. C'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont beaucoup de biens, ils ont accaparé les récompenses en ce qui concerne les bonnes œuvres. Et l'objectif de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce n'était pas la jalousie, ni le fait de s'opposer et de se révolter contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur objectif était d'obtenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam une orientation afin qu'il leur indique une œuvre qu'ils puissent accomplir afin de rattraper en termes de récompense les gens riches et leurs aumônes. Ils ont donc dit, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons et ils font l'aumône avec le surplus de leurs biens. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire aumône car nous n'avons pas de biens à donner en aumône. Donc, ils veulent du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une orientation vers une œuvre qui leur permettra de les dépasser ou de les égaler en termes de récompense. Ceci est donc ce que souhaitaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et en aucun cas, ils se sont opposés ici au décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quant à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et ils n'ont pas non plus fait preuve de jalousie à l'égard des autres compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé de sa grâce et nombre de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a alors répondu, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Et la réponse, bien sûr, c'est qu'Allah leur a donné de quoi faire l'aumône. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué quelles aumônes leur ont été facilitées. Il leur a dit, en vérité, chaque tasbih est une aumône. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis subhanallah, alors c'est une aumône. Chaque takbir est une aumône. À chaque fois que tu dis Allahu Akbar, ceci est une aumône. Chaque tahmid est une aumône. Lorsque tu dis Alhamdulillah, ceci est une aumône. Et chaque tahlil est une aumône. Lorsque tu dis La ilaha illallah, alors ceci est une aumône. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et ordonner le bien est une aumône. C'est-à-dire que si tu vois une personne qui est négligente au sujet de certaines adorations et que tu lui ordonnes le bien, alors ceci est une aumône. Il dit ensuite, interdire un mal est une aumône. C'est-à-dire que si tu vois une personne en train d'accomplir un péché, en train d'accomplir une chose blâmable, et que tu lui interdis de faire cela, alors ceci est considéré comme une aumône. Donc ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ici dans ce hadith, ce sont des aumônes que les pauvres peuvent donner. Donc il leur dit ici, regardez ces aumônes qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis d'accomplir. Donc il convient aux musulmans d'occuper son temps par ces formes de dhikr, le tasbih, le takbir, le tahmid, le tahlil, mais également le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, car tout ceci est considéré comme des aumônes. De plus, il est possible que les riches, ils ne donnent pas d'aumônes tous les jours. Et même s'ils donnent des aumônes tous les jours, ils ne donnent pas des aumônes tout au long de la journée. Alors que toi, avec ces formules d'évocation, il t'est possible de faire ça tous les jours et même toute la journée. Ce sont des paroles simples à prononcer avec ta langue, que tu peux prononcer du matin au soir, et elles sont comptées pour toi comme des aumônes. Donc ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a orientés vers ces œuvres qui leur permettent, bi'idhnillah, d'atteindre le rang, ou plus encore, que celui que les riches ont atteint avec les aumônes qu'ils font de leur bien. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont été convaincus de cela. Cependant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et dans vos rapports intimes, il y a une aumône. C'est-à-dire, lorsque l'homme a des rapports avec son épouse, alors ceci est compté comme une aumône. Ils se sont interrogés. Ils ont dit, ô messager d'Allah, l'un d'entre nous est-il récompensé lorsqu'il a assouvi ses désirs? Et ceci est une interrogation des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et ce n'est pas une objection de leur part. Mais ils se sont interrogés. Ils ont voulu comprendre comment la personne peut-elle être récompensée pour cela? Comment l'homme peut-il assouvir ses désirs et être récompensé suite à cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué pourquoi il est récompensé. Et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous, s'il l'avait assouvi dans l'illicite, aurait-il eu un péché? Et la réponse est oui, bien sûr. Il aurait eu un péché s'il avait assouvi ses désirs de manière illicite. Alors de la même manière, s'il l'a assouvi dans le licite, il est récompensé. C'est-à-dire qu'il s'est préservé de l'illicite en accomplissant une chose qui est pour lui licite et il est récompensé pour cela. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Donc on tire de ce hadith de nombreux bénéfices et on va en mentionner quelques-uns, incha'Allahu ta'ala. Premièrement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'empressement des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et la concurrence qu'ils se menaient les uns les autres dans l'accomplissement des œuvres pieuses. En effet, regardez ces compagnons pauvres qui sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, les riches, ils se sont accaparés les récompenses. Ils n'ont pas dit ça par jalousie, mais ils ont voulu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur ouvre une porte de bien afin de rattraper les riches en termes de récompenses. Et ceci nous montre que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, accordaient une grande importance à cela. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils utilisaient les biens dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait grâce dans les œuvres de bien, pour ce bas monde et pour l'au-delà. Et ils faisaient aumône de leurs biens. Ils faisaient beaucoup d'aumône, au point que les pauvres s'inquiétaient de les voir les dépasser en termes d'œuvres pieuses. Donc les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils faisaient preuve de beaucoup de générosité. Ils n'étaient pas avares, comme on le trouve chez beaucoup de gens aujourd'hui. Wallahu musta'an. Et ce qui est surprenant de nos jours, c'est que plus la personne a de biens, plus la personne a d'argent, plus Allah subhanahu wa ta'ala lui offre des biens de ce bas monde, plus tu le vois avare, plus tu le vois avoir du mal à dépenser de son argent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à mépriser les pauvres, à prononcer des paroles qui ne sont pas dignes du croyant, comme le fait de dire « il est pauvre, il n'a qu'à travailler comme moi je travaille ». Wal'iyadu billah. Ceci n'est pas le comportement du croyant. Le croyant, il a de la compassion pour ses frères et sœurs qui sont en difficulté. Et il dépense de ses biens à la recherche de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le faisaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et on a parlé dans un précédent hadith de l'histoire de Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. Lorsque Omar, radiyallahu ta'ala anhu, a voulu dépasser Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, en termes de récompense, et qu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la moitié de ses biens pour les donner en aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit « Et qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il lui a dit « Je leur ai laissé la même chose que cela. » Alors Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il est venu avec tous ses biens. Il a tout donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille ?» Il lui a répondu « Je leur ai laissé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. » Donc ainsi étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils dépensaient de leurs biens à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le pauvre et le riche sont égaux en ce qui concerne les œuvres du corps. Comme ils ont dit dans le hadith, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons. C'est-à-dire que la prière et le jeûne, ce sont des adorations que peuvent accomplir aussi bien le riche que le pauvre. Cependant, il est possible que l'un ou l'autre dépasse son frère en termes de récompense. Il est possible que l'accomplissement de ses œuvres par le pauvre soit meilleur en termes de récompense que l'accomplissement du riche et vice-versa. Et la récompense, elle revient à quoi? Elle revient à ce qu'il y a dans le cœur, en termes de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle revient également à la manière dont est accompli cet acte en termes de suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert pour les pauvres de nombreuses portes de bien. Lorsqu'il a dit « Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône ?» Puis il a mentionné différentes portes de bien, comme on l'a vu à travers le hadith. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith est le fait de s'adresser à son interlocuteur parce qu'il ne peut nier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ce hadith. Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Il leur a posé la question, puis ensuite il leur a mentionné des choses qu'ils peuvent accomplir. Et ceci est une manière plus pertinente d'exposer la preuve à celui auquel on s'adresse. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées sont toutes des aumônes. Cependant, il est important de savoir que les aumônes, il y en a parmi elles qui sont obligatoires et d'autres qui ne sont pas obligatoires. De même, il y a des aumônes dont seul l'auteur profite et il y a des aumônes dont il profite ainsi qu'autres que lui. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par mentionner les différentes formes de dhikr. Le tasbih, le takbir, le tahmid et le tahlil. Donc tout ceci, ce sont des aumônes dont seul l'auteur profite. Et il y a parmi elles certaines qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. À titre d'exemple, le takbir. Il y a des takbirs qui sont obligatoires, d'autres qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, les takbirs que tu fais dans la prière, lorsque tu dis Allahu Akbar à chaque mouvement lors de ta prière. Ceci est une obligation. Donc c'est une aumône qui est obligatoire. Et le takbir, par exemple, que tu fais le jour du Eid, en te rendant au Musalla, celui-ci est recommandé. Donc c'est une aumône qui n'est pas obligatoire mais qui est recommandée. Et de la même manière, on dit, concernant le tasbih, le tahlil et le tahmid, il y en a qui sont obligatoires et d'autres qui sont simplement recommandés. Concernant l'ordre du bien et l'interdiction du mal, ceci est une obligation de manière générale. Cependant, le commandement du bien, il peut parfois être obligatoire de manière individuelle, pour celui qui en a les capacités, si personne d'autre que lui ne peut le faire. Et de la même manière, l'interdiction du mal. Et parfois, ceci est une obligation communautaire, pour ceux qui en ont les capacités, dans le cas où il y a d'autres personnes que lui qui peuvent le faire. C'est-à-dire que s'il y a un mal qui est commis devant toi, et que tu es le seul à pouvoir l'interdire, que tu en as les capacités, alors ceci est une obligation individuelle pour toi. Mais si vous êtes plusieurs à pouvoir l'interdire, alors ceci est une obligation communautaire, c'est-à-dire pour l'ensemble d'entre vous. Si l'un d'entre vous le fait, les autres sont affranchis de cette obligation. De la même manière, le commandement du bien, il peut parfois être recommandé. Lorsque tu souhaites commander une chose, qui est recommandée ? Comme par exemple, tu souhaites inciter une personne à accomplir des prières surérogatoires. Ceci fait partie du commandement du bien. Tu lui ordonnes le bien, mais ceci est simplement recommandé, n'est pas obligatoire. Et de la même manière, concernant les choses détestables. Concernant les choses détestables, il est recommandé de les interdire. Et il est important de savoir également que pour ordonner le bien, il est indispensable de réunir deux conditions. La première condition, c'est que celui qui ordonne sache que ceci est un bien. C'est-à-dire que tu as la pleine connaissance que ce que tu vas ordonner est réellement un bien. Mais si tu es ignorant, que tu n'as pas de connaissance à ce sujet, alors tu dois te taire. Il ne t'est pas permis de parler. Car si tu ordonnes des choses avec ignorance, alors tu risques fortement de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et ceci est un grave péché. Et ceci est répandu à notre époque, notamment à travers les réseaux sociaux et autres. Tu vois certaines personnes parler avec ignorance. Il va de l'avant, il souhaite ordonner le bien, mais il n'a pas connaissance des règles liées à ce bien. Comme on l'a vu récemment avec des gens qui font des rappels au sujet de la zakat. Il m'est parvenu une vidéo d'une personne qui fait un rappel au sujet de la zakat. Il souhaite inciter les gens à verser la zakat. Et tu écoutes son audio et tu vois qu'il ne connaît même pas les règles de la zakat. On dirait qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Celui-ci, il est tombé dans un grave péché. Il s'imagine faire le bien, mais ce qu'il fait est en réalité blâmable. Donc la première condition pour ordonner le bien, c'est que tu aies connaissance de ce que tu vas ordonner. La deuxième condition, c'est que tu saches que celui à qui tu t'adresses a réellement délaissé cette chose que tu vas lui ordonner. Et si tu n'es pas sûr, alors tu dois l'interroger. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Lorsqu'un homme est rentré dans la mosquée, le jour du vendredi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le sermon. Il est entré, il s'est assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, « As-tu prié ?» L'homme lui a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, « Lève-toi et fais deux unités de prière. » Donc il n'y a pas ordonné directement de prier rak'atayn, de prier deux unités de prière avant de l'interroger afin de savoir s'il avait prié ou non. Il est donc indispensable que tu t'assures que la personne à qui tu souhaites ordonner le bien a réellement délaissé ce bien. Et il en est de même concernant l'interdiction du mal. Il est indispensable de réunir à ce sujet trois conditions. La première condition est que tu saches que ceci est une chose blâmable d'après sa preuve religieuse. C'est-à-dire que tu aies la certitude que ceci est interdit et blâmable d'après les preuves. Non pas d'après les coutumes des gens, non pas d'après ton ressenti, non pas d'après tes habitudes, non pas de par tes sentiments ou ta jalousie. Ce n'est pas parce que pour toi une chose n'est pas louable, d'après ton ressenti, qu'elle est réellement blâmable religieusement. Mais tu dois tout d'abord t'assurer que cette chose est blâmable d'après les preuves religieuses. Car si tu ne fais pas cela, il est possible que quelqu'un vienne et blâme une chose alors qu'elle est permise dans la religion. La deuxième condition, c'est que tu saches que celui à qui tu t'adresses est réellement tombé dans ce blâmable. Et si tu n'en as pas connaissance, alors il ne t'est pas permis de lui interdire. Car si tu fais cela, si tu t'empresses de blâmer les gens au sujet de choses qu'ils n'ont pas accomplies, il se peut même que les gens viennent à s'en prendre à toi et à parler sur toi, en disant que tu es quelqu'un qui s'empresse, quelqu'un qui est hâtif, ou autre chose encore. Il est donc indispensable que tu t'assures que la personne a réellement commis une chose blâmable. À titre d'exemple, si tu vois une personne boire ou manger durant le mois de Ramadan, tu ne dois pas la blâmer avant de t'assurer de la raison pour laquelle elle est en train de boire ou de manger. Il se peut qu'il soit voyageur, et le voyageur, il lui est permis de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Ou encore, il se peut qu'il soit malade, d'une maladie qui ne lui permet pas de jeûner. Dans ce cas, il ne t'est pas permis de le blâmer, car il ne fait pas quelque chose qui est interdit. C'est pour cela qu'il est indispensable que tu t'assures que celui à qui tu t'adresses a réellement commis une chose qui est blâmable. La troisième condition, qui est tout aussi importante, c'est que le fait que tu interdises ce mal ne conduise pas à un mal plus grand encore. Car si lorsque tu interdis ce mal, cela conduit à un mal plus grand encore, alors ceci est interdit. Il est interdit de proscrire une chose blâmable si cette interdiction conduira à une chose plus grave encore. Donc l'interdiction du blâmable, elle se divise en quatre catégories. La première catégorie, c'est que le blâmable soit entièrement stoppé. La deuxième catégorie, c'est que le blâmable diminue. Il n'est pas stoppé, mais il diminue suite à ton interdiction. La troisième catégorie, c'est que tu interdis le blâmable et que la personne passe à un autre blâmable qui est équivalent à celui-ci, qui est équivalent au premier. La quatrième catégorie, c'est que tu interdis le blâmable et que la personne passe à une chose plus grave encore. Donc si lorsque tu interdis le mal, il disparaît totalement, il n'y a pas de doute qu'il est obligatoire pour toi d'interdire ce mal. De la même manière, s'il diminue, ceci est obligatoire, car diminuer le mal est une chose qui est demandée en religion, et ceci est obligatoire. Si la personne passe de ce blâmable à un blâmable semblable, alors ceci dépend de la situation, et si la personne passe d'une chose blâmable à une chose plus blâmable encore, alors ceci est interdit. Et quelle est la preuve de ces différentes catégories ? En ce qui concerne l'obligation d'interdire le mal, s'il disparaît totalement ou s'il diminue, alors les preuves sont à titre d'exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'ida lorsqu'il a dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et il dit aussi au verset 104 de surat al-Imran « Wa l'takum minkum ummatun yadu'una ila al-khayr » وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Donc ces versets, ils nous prouvent l'obligation d'interdire le mal, afin qu'il disparaisse totalement, ou au moins qu'il diminue. Quant à l'interdiction, du fait d'interdire le mal, si cette interdiction fait que la personne passe à un mal plus grave encore. La preuve à ce sujet est le verset 108 de Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ » N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils injurieraient alors Allah par hostilité dans leur ignorance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous a interdit d'injurier les divinités des polythéistes, étant donné que les injurier les conduit et les pousse à injurier Allah subhanahu wa ta'ala à un mal qui est plus grand encore que le délaissement de l'injure et du dénigrement de leur divinité. Et on rapporte de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, alors qu'il était avec un ami à lui, qu'il est passé auprès de gens parmi les Tatars qui buvaient de l'alcool et faisaient des péchés. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il ne leur a pas interdit cela. Alors son ami lui a dit, « Pourquoi ne leur as-tu pas interdit ? Car Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il était connu pour interdire le mal. Et il ne craignait personne en cela. Alors il lui a répondu, rahimahullah ta'ala, si je leur interdis cela, ils se lèveront et iront piller les maisons des gens et transgresser leur honneur. Et ceci est plus grave que ce dans quoi ils sont actuellement. Regardez donc la grande compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avait ce savant, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme œuvre qui fait partie des aumônes les rapports intimes que l'homme a avec son épouse. Et cette aumône, elle peut être obligatoire ou surérogatoire. Si l'homme craint pour sa personne de tomber dans la turpitude et les péchés, alors dans ce cas, cette aumône, elle devient obligatoire pour lui. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est une aumône qui est recommandée. Et ce qui est apparent dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, est que ceci est une aumône, même si l'objectif n'est que d'assouvir ses désirs et non pas de se préserver de l'illicite. Et ceci est vrai sous deux angles. Premièrement, car l'homme, il lui est ordonné de ne pas priver sa personne de ce qu'elle désire, tant que cela n'est pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Certes, ton âme a un droit sur toi ». Le deuxième point, c'est que lorsque la personne a des rapports avec son épouse, alors il est bienfaisant envers elle. Car tout comme l'homme a des besoins, alors la femme également en a, et elle désire de l'homme ce que l'homme désire de la femme. Donc, lorsqu'il a des rapports avec elle, il est ainsi bienfaisant envers elle, et ceci est une aumône. Le septième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont rien laissé comme question confuse ou problématique si ce n'est en interrogeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez dans ce hadith. Lorsque cette question leur a posé problème, ils ont directement dit « Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous est-il récompensé lorsqu'il a assouvi ses désirs ?» Donc à travers cela, on voit que ce au sujet de quoi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas interrogé au sujet de la religion, alors interroger à ce sujet est une innovation. Car si cela faisait partie de la religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait qu'un compagnon radiyallahu ta'ala anhum ajma'in serait venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de clarifier cette question. À titre d'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du Dajjal, du faux messie, et que le premier jour où il va venir sera aussi long qu'une année, ils ont directement interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce jour. Et ils lui ont dit ce jour qui sera comme une année. Est-ce que la prière d'un seul jour nous suffira? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, mais vous l'évaluerez. C'est-à-dire que vous priez en fonction des heures journalières et non pas en fonction de la durée de ce jour. Donc toute chose qui a besoin d'être clarifiée au sujet de la religion, soit cela a été clarifié dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, ou bien par une question d'un des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et tout ce qui n'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de quoi il n'a pas été interrogé concernant la religion, alors interroger à ce sujet est une innovation. Et entre dans cela ce que font certains exagérateurs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou au sujet des choses qui vont se produire au jour de la résurrection et qui demandent le comment. Comment est ceci et comment est cela? Alors il faut savoir que toutes ces questions sont considérées comme des innovations. Comme cela est arrivé à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Lorsque quelqu'un est venu et lui a dit « Oh imam, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône, mais comment s'est-il élevé ?» Alors l'imam Malik, rahimahullah, il est devenu rouge de colère. Il a levé sa tête et il a dit « Al-istiwa, il est connu. Le comment, c'est-à-dire la description de son comment, nous est inconnu. Y croire est obligatoire et interroger à ce sujet est une innovation. » En effet, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils lisaient ces versets, ils les écoutaient. Ils n'ont pas interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du comment, C'est pour cela qu'on doit les prendre pour exemple en cela et y croire comme cela est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Huitièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a la bonne méthode d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne des exemples afin de convaincre son interlocuteur. En effet, lorsque ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé problème aux compagnons radiallahu ta'ala anhum et qu'ils n'ont pas compris comment une personne pouvait être récompensée alors qu'elle a assouvi ses désirs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'exemple de celui qui a assouvi ses désirs dans l'illicite. Il leur a dit, n'aurait-il pas un péché? La réponse est oui, il aura un péché. Donc il leur a donné cette chose qui était acceptée d'eux et qu'ils comprenaient pour ensuite les amener à la chose qui leur a posé problème, en leur disant de la même manière, s'il l'assouvit dans l'illicite, alors il est récompensé. Enfin, neuvièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que si la personne se contente du licite pour se préserver de l'illicite, alors elle rend sa consommation du licite comme étant une adoration et une aumône. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans vos rapports intimes, il y a une aumône. En effet, si la personne, elle mange des choses licites afin de se préserver d'une chose qui est illicite et qu'elle est tentée de consommer, alors elle est récompensée pour cette chose qu'elle mange et qui est licite. La personne qui est tentée d'accomplir une chose illicite et qui accomplit pour s'en préserver une chose licite afin de s'en détourner, alors elle est récompensée pour cette chose licite qu'elle accomplit, et ceci est considéré comme une adoration et une aumône. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا